« Je dis, répondit Crevel, que j'aimerais avoir la figure de Madame Marneff, et j'ai d'autant plus raison que la vôtre en ce moment est fort désagréable. Parole d'honneur, vous êtes horriblement laid, mon cher Marneff. Savez-vous que vous n'êtes pas poli ? Un homme qui gagne 30 francs en 45 minutes ne me paraît jamais beau. » « Ah, si vous m'aviez vu, reprit le sous-chef, il y a 17 ans. »« Vous étiez gentil, répliqua Crevel. C'est ce qui m'a perdu. Si j'avais été comme vous, je serais père et mère. » « Oui, dit en souriant Crevel, vous avez trop fait la guerre. Et des deux métaux que l'on gagne à cultiver le dieu du commerce, vous avez pris le mauvais, la drogue. » Et Crevel éclata de rire. Si Marneff se fâchait à propos de son honneur en péril, il prenait toujours bien ses vulgaires et ignobles plaisanteries. Elles étaient comme la petite monnaie de la conversation entre Crevel et lui. « Ève me coûte cher, c'est vrai, mais ma foi, courte et bonne, voilà ma devise. »« J'aime mieux longue et heureuse, répliqua Crevel.